Yeah, put them up. This your boy Curse. From Quebec to the motherfucking France. That's how we gon' do this. Yeah. Your boy Fahrenheit. Mode de vie la rue, comme l'a dit Lucha à son époque. Aujourd'hui tout est fané, Marianne a renié ses blocs. J'ai pas choisi de faire la touffe de voici, parce que moi, des noeuds et cœurs sont marchés ainsi. Le bif viendra quand la ville aura décidé. Ceux qui tentent de provoquer un changement finiront décédés. La rue t'appelle, la rue t'apprend et la rue te regarde. Elle souligne toutes tes fausses notes pour qu'on te bute, regarde. Et faut que tu saches que le ghetto a sa propre école, man. Donc fais ton choix mais finis pas comme Gary Coleman. La vie c'est misère, on le sait tous, donc protège tes côtes. Protège ton gagne-pain pour pas finir en entrecôte. De l'est à l'ouest, du Canada au 7-6. Mec, blinde ton boule pour pas renifler cette piste. Évitez le mitard pour ceux qui font du business. Et trop le brouillard pour ceux qui sont victimes du stress. The niggas in my hood be ready to die. 13 selling rocks, now they ready to ride. Why cry, do or die? Man up and rise. You haven't seen what I see and I can see it in your eyes. The niggas in my hood be ready to die. 13 selling rocks, now they ready to ride. Why cry, do or die? Man up and rise. You haven't seen what I see and I can see it in your eyes. Don't get close, move back, cut the talk. And crossing that line is enough to make me spark. Put the shotty to your body when I make it drop. Lottie-dottie was the hottie, but that bitch got popped. Feeling so right, got my homies by my side. Put your hands on my riches, get caught in a homicide. I ain't giving up so far, I got to have it. Living my life to the fullest till they put me in a casket. Say what you wanna, I'm still that nigga. More money, more problems, and my still got bigger. It seems you wanna fuck around and take what's mine. But take a step back if you ain't strapped with a nine. Cause the niggas in my hood be ready to die. 13 selling rocks, now they ready to ride. Why cry, do or die? Man up and rise. You haven't seen what I see and I can see it in your eyes. The niggas in my hood be ready to die. 13 selling rocks, now they ready to ride. Why cry, do or die? Man up and rise. You haven't seen what I see and I can see it in your eyes, motherfucker. Ça va pas, dis pas que ça va, et l'inverse la même. Chez moi je fais tout pour éviter l'inverse de crise, on t'aime. À peine 20 piges, j'ai sur le monde, j'ai un regard méprisant. En plus j'ai froid mais je comprends pas car l'échec est cuisant. J'ai pas appris la haine, j'ai pas appris le dégoût. Juste à respecter la boule, les égouts et leurs plaques, je suis au fond du trou. J'ai fait l'erreur de croire au hip-hop, on m'avait prévenu j'avoue. Mais j'étais pas dans le trip des glocks. Aujourd'hui le club sandwich est devenu raciste. Et les enfants d'immigrés sont bien devenus racistes. Je me démerde quoi. Et y'a des trucs que je dis pas sur moi. J'ai assez ouvert ma gueule, j'ai pris des coups de ton bois. Comme quoi la rue t'emmène, la rue t'emmerde, la rue te gêne. La rue te prend, la rue te jette. Et quand t'es chaud, bah elle te gèle. Tout ça c'est nos vies, nos quotidiens sont moisis. J'ai juste à mater par la fenêtre. Et à la revenue de Sarkozy, qu'est-ce qu'on y peut. On fait tout pour en sortir. Et c'est pas un bac plus 8 qui te garantit l'avenir. On a du respect. Et mon pote pêche, c'est pas une camisole. Alors arrête de parler d'HP. En mode galérien jusqu'au bout, je me couche quand tu te lèves. Et si la déprime est une bouche, j'ai des putains de lèvres. Personne peut nous comprendre, sauf les gens comme nous. Personne veut nous entendre, sauf les gens comme vous. The niggas in my hood be ready to die. 13 selling rocks, now they ready to ride. Why cry, do or die? Man up and rise. You haven't seen what I see and I can see it in your eyes. The niggas in my hood be ready to die. 13 selling rocks, now they ready to ride. Why cry, do or die? Man up and rise. You haven't seen what I see and I can see it in your eyes, motherfucker.